si bien habité. Tant de paix, de sérénité. Un jour, opposant ses lois à se remettre à l'endroit. Un ciel rempli d'éternel. Les diables passeront par l'échelle. Mal fonctionner, les phares n'éclairent pas.